c'est fou la roulade. 89-1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Et François Landry nous parle de baisse d'impôts dans sa chronique politique. C'est un assemblage requis et ça commence quand? Ben maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifoy à Trois-Rivières en ce jeudi 3 janvier, février 2011. Pas dans le bon mois. 2011. C'est le jour de marmotte qui me mêle. Oui, qui était hier. Oui, hier et avant-hier aussi. Et peut-être avant-hier. Peut-être, dépendant si vous vous êtes réveillé ce matin et que vous avez l'impression d'entendre quelque chose qui a déjà été diffusé. Ben ça se peut pas. Ça se peut pas parce qu'on est en direct des studios de Cifoy à Trois-Rivières. Bon. Aujourd'hui, l'émission. Ben, bonjour François. Bonjour Mathieu. Olivier Marchand. Ça va bien. Mathieu Plante. Oui, ça va très bien toi? Oui, ça va bien, merci. Passe une belle soirée. Oui, ben, une courte soirée. Là. En fait, j'avais un cours hier. Ah, c'est plate ça, un cours. Hein? J'imagine que le public, notre public en délire, est au courant et sent la même chose que toi. Parce que ce sont des étudiants qui avaient des cours hier, peut-être. Mais je sais pas parce que je vous connais pas personnellement. Peut-être pas. Peut-être pas aussi. Plan de l'émission d'aujourd'hui, on a Simon Fitzbé qui va continuer son histoire du rock. Et là, ben, il y a un mois spécial qui commence. Les Rolling Stones. C'est le Rolling Stonewary. Stone. Ouais, donc dans le mois de février, il va nous parler. Il va nous faire l'histoire des Rolling Stones. Pas mal sûr que ça doit être à peu près ça pendant quoi, sûrement 4 chroniques, j'imagine qu'il doit y avoir à peu près ça dans le mois de février. J'imagine. Oui, il y en a 4. Le 3, le 10, le 17 et le 24. Bingo. Bingo. Bingo. Aussi, l'émission d'aujourd'hui, on a François Landry qui va nous parler de baisse d'impôts dans sa chronique politique Logocratie 101. Ça, c'est vers les 8h30 en fin d'émission. Évidemment, Simon va être là à 8h, donc ça va faire une heure de chroniqueur ou une chronique trait d'union heure. J'adore ça. Comme on appelle ça dans le domaine. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on va évidemment avoir une chronique, c'est un fait. Je pense que ça, c'est un petit peu impossible à oublier. Et intéressant. Les gens ont hâte. Impossible à être intéressant, c'est ça que tu veux dire? Non, les gens ont hâte. Ah ouais. Les gens m'appellent des fois, me disent « Hey, Mathieu, peux-tu me faire une chronique demain? Ouais. » Je dis « On verra. » Des filles, hein? Non. Non? Non. Non, aucune. Il n'y a pas d'insultes, genre gros pas bon, tes chroniques sont tu vas aller en enfer ou. Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore, écoute, t'en as-tu reçu? Je sais pas, peut-être. commençons l'émission en musique, tu nous as choisi une pièce de Arcade Fire. Ouais, exactement. C'est bon ça? Oui, c'est. Je pense qu'on n'a jamais fait jouer Assemblage Requis qu'édition du matin. Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Sinon, rarement. Rarement. Sinon, très peu. Les voici à C'est Fou 89 FM. I went Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Pièce qui termine l'album About a Girl de Winter Gloves, c'est Piano for Hands dans Assemblage requis. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Les matériaux de qualité, c'est après 8 heures en passant. Juste, on dit ça de même. En passant. En passant. Je dis ça de même, moi, là. Mais tu fais bien. Tu fais bien les avertir, voyons là. Faut informer les gens, faut être vigilant, sinon ça pourrait se retourner contre nous. Ouais. Tu sais? Mon gros pas bon. Même l'enfer veut pas de toi. Ah, t'es donc ben pas fin avec moi, François. Qu'est-ce que je t'ai fait ce matin? C'est pas vrai, Mathieu. Ton jus d'orange était... Ah, j'en ai pas. T'as pas de jus d'orange? T'as même pas de chocolat chaud. Ça fait longtemps que t'es pas arrivé avec du chocolat chaud, là. Hier. T'as laissé hier? Ouais. Pour marquer. Je pense que mon regard est ailleurs le matin. Tout à l'heure, on va parler de choses cocasses et de choses à savoir. Tu sais, des choses qui méritent d'être connues. Qui ne sont peut-être pas. C'est tout des faits ou? Pas mal. On dit, moi, je pourrais appeler ça sûrement des faits. Si on avait à trouver un mot pour aller avec ça, ce serait un fait. Comment t'appellerais ça? La chronique, je dirais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais ouais, ça sonne bien. Ouais. C'est mieux que c'est un fait. Non, mais t'en fais ce que tu veux. T'en fais. Oh, Colin François, je pense qu'on va tomber sur quelque chose. T'en fais ce que tu veux. Oh. Hein, ça sonnait bien, hein? Ben, Colin, t'es pas en marketing, bro. Il est en marketing ou en anonyme? T'es en quoi? En ressources humaines. C'est ça, ouais, ça, j'allais dire. T'as-tu été déjà en quelque chose d'autre, de plus marketing? Ben oui. Ouais. C'est ça. D'accord. Juge-moi pas. Laisse-moi vivre, Mathieu. On va retourner en musique, par contre, tout de suite. On va entendre un peu d'Alex Nevsky, parce que ça va être bonne humeur le matin, puis on a tous besoin de ça, hein, n'est-ce pas, auditeur? Oui, tout à fait. Hey, Mathieu, j'aimerais attirer ton attention. Ouais. Je sais pas si t'es chanceux comme moi, mais j'ai reçu un courriel. Ça m'est déjà arrivé, en fait. Ouais, je me rappelle une fois, j'avais reçu un courriel. OK, mais pas aussi sympathique et chanceux que le mien, j'en suis certain. Okay. Je t'explique un peu la situation. En fait, il y a quelqu'un qui m'a écrit la Côte d'Ivoire et qui me dit qu'il y a beaucoup d'argent pour moi, en fait, dans un compte. Et puis, je sais pas là exactement si... Si c'est vrai. Mais je vais essayer. Passe pas à côté de ça, prends pas de chance. Non, mais c'est ça. En fait, j'envoie un chèque. Ton numéro de carte de crédit. J'envoie un chèque et puis je suppose avoir des nouvelles. OK, OK. Mais c'est super cool, mais la personne passe à moi. Colin, les gens sont rendus fins sur Internet. Hein. Oublie pas ton numéro d'assurance sociale puis les noms de tes parents aussi. Ouais, non, mais ça prend ça pour transférer l'argent. Ouais, ouais, ben c'est normal. C'est normal. Suivez pas nos conseils aujourd'hui. Je pense que. Ça pourrait vous nuire plus que d'autres choses. Je t'ai de l'humour! Alex Nevsky, 1000 raisons, 89 FM, c'est Assemblage Rock. Now I found a reason to keep on dancing. Now I found a reason to keep on dancing. Dancing, dancing, dancing, dancing. 1000 raisons de danser parce que je suis avec elle. 1000 raisons de bouger mes pieds car je ne suis plus seul. 1000 raisons de m'envoler car cet ange m'a prêté ses ailes. Mes pieds sont des cerfs-volants, je danse le boogie sur un arc-en-ciel. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Ah! Oh! Hey, hein, il l'a-tu l'affaire? Oui. L'annonceur.

Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Que je fais plaisir aux fans de jeux vidéo et de Little Big Planet. C'est une chanson de cette trame sonore, Jim Noir, avec My Patch, Assemblage Requis au 89.1 FM, et que Little Big Planet est un jeu extraordinaire. J'aimerais ça que tu fasses la chronique. J'aimerais ça parce que je connais pas ce jeu-là. Je pourrais. J'aimerais ça. On pourrait inviter quelqu'un qui en connaît autant que moi sur Little Big Planet, et puis c'est, qu'est-ce que c'est? V-A-I-I-S-T-E-P. Je comprends pas. Oui, sur la Wii? Non, sur la PlayStation 3. Deux, le chiffre 2. Deux, sonne comme Oreille de lapin. Non, c'est même, je les comprends, je sais pas. Je m'excuse. On va finir la première heure ici. On va retrouver Simon Fitzbé et lui demander ses explications par rapport au mime qu'il vient de nous faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, l'info campus s'en vient. Et puis, c'est ça. Deuxième heure, c'est Phénomène avec Simon Fitzbé. Il nous parle des Rolling Stones. Exactement. Et François Landry avec sa chronique Logo Crescent. Il parle des baisses d'impôts. Les baisses d'impôts, on en veut. Oui, et on les veut quand? On les veut maintenant. On vient de faire tomber comme une pile de CD sur la console. Ça doit pas être bon, ça. Je t'entends plus. Je t'entends plus, Mathieu. Ah! On revient rester là. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce jeudi 3 février 2011. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, et Simon Fitzbé qui vient d'arriver, qui va nous raconter, c'était quoi tes signes que tu nous faisais, tes symboles, tes acronymes, Ouais, ben c'est lorsque tu parlais de Little Big Planet, dans le fond, c'est que Little Big Planet 2, j'ai vu une pub, peut-être que c'était une erreur du commerçant qui me l'a envoyé, mais on disait que ça allait être disponible pour la Wii. Oh. Et ça serait assez génial parce qu'il me semble que c'est un jeu hyper approprié pour la Wii, malgré tellement. Que, bon, les images seraient peut-être un peu moins belles, mais même ça, on même vivrait là. Avec. Est-ce que t'as joué pas mal à la Wii? Oui, pas mal. Est-ce que t'aimes les graphiques oui. de Super Mario? Oui, ben c'est le système des polygones. Hein, c'est plus facile, donc il y a moins de bugs dans le jeu, de toute façon, quand ça arrive. Fait que, on est des grands fans de la Wii, donc. Oui, d'ailleurs, je viens de terminer le deuxième. Ça fait deux fois que je fais le tour de Super Mario Galaxy 1. Là, je vais pouvoir aller m'acheter Mario Galaxy 2. T'as pas encore joué aux deux? Non, mais c'est parce que je voulais faire le tour avec Mario et Luigi. Oh oui! Et oh. Donc, je sais pas si j'aurais le courage de refaire le jeu avec Luigi. Il est tellement dur. Ouais, puis Luigi, il est comme... Il flotte là, pas mal trop, je trouve, les sauts. Mais en même temps, Little Big Planet, c'est un peu le même genre aussi. Les sauts sont très mous. Ouais, Luigi a des sauts mous. Ça rajoute du challenge. Et voilà. Un petit défi de plus, on aime ça. Un peu comme Simon s'en donne en faisant des mois thématiques, mettons. Oui! Donc, on accueille Simon Fitzbé. Voici sa chronique Phénomène. Bonjour Simon. Bonjour. Bon matin. Ça va bien, messieurs? Ça va. Ça va. Très bien, toi? Oui. Merveilleux. Super. Oui, passé une belle semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, toujours. Cette semaine, tu nous parles des Rolling Stones et en fait, tu vas passer le mois complet à parler d'eux. Et comment est-ce qu'on pourrait nommer ce nom-là, ce mois-là? Parce qu'on doit donner un nom à tout à Assemblage Hockey, vous savez. Je pense que c'est une maladie. Là. C'est obsessif compulsif, vous le savez très bien. Écoutez, c'est le mois de février, donc je m'étais dit le Fev Rolling Stone-nier. Oh, pas pire. C'est excellent. Ouais, il n'y a pas vraiment d'autres mots à faire. C'est dur avec les Rolling Stones. Ouais, c'est pas évident. Hein? Non, vraiment pas. Je vais y repenser. C'est sûr que tu vas penser à plein de trucs, Mathieu. Tu sais fait de la chronique. Ouais. Je vais penser à ça tout le long. Je t'écouterai même pas. Non, je vais t'écouter. Et donc, ben voilà. Pourquoi ne pas commencer? Parce que c'est quand même assez, assez charnu comme chronique aujourd'hui. Oui, Pierre, avec de la petite mousse autour de la pierre. Oui, avec beaucoup de mousse, exactement. Donc, on débute aujourd'hui avec The Rolling Stones, les rebelles. Messieurs, au mois de novembre dernier, donc je vous ai présenté quatre épisodes la fabuleuse histoire des Beatles. Suite à cette belle expérience, je me suis demandé quel groupe pouvait être digne d'une série de chroniques du genre pour la session d'hiver pour également donc vous permettre

do it again. La pièce Never Stop de Chili Gonzalez à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Et pour déjà! Oui! On remercie évidemment tous nos chroniqueurs de l'émission d'aujourd'hui. François Landry et Simon Fitzbé. Merci. Simon Fitzbé. Mathieu Plante, je te remercie. François-Olivier Marchand, je te remercie toi aussi. Je te remercie de tes services. Charbaille. À la prochaine. On remercie tous ceux qui ont participé à l'émission pendant la semaine au complet, bien évidemment aussi. On se retrouve lundi matin à partir de 7h avec une toute nouvelle édition lundi matin. L'émission revient lundi matin. Ah, déjà? Déjà. Peux-tu dormir, moi, dans la vie? Pas vraiment. Donc, c'est lundi, on va voir Stéphanie Gagné avec sa chronique Take Me Out sur les sorties spectacles de la semaine et ton plat favori sur ses coups de cœur du moment. Il va y avoir en réponse à ça mon dessert et tes crudités. Et je pense qu'on revient avec Dave Morgan dès lundi l'humour. Oui, on va rire. Ouais, donc ça, c'est lundi à partir de 7h. Sinon, restez sur nos ondes. Aujourd'hui, on a Tour d'Afrique, la nouvelle émission qui débute à 9h05, juste après les nouvelles de Radio-Canada. À 10h, c'est Connaître ensemble, émission sur la périnatalité. À 11h, le dîner de cons avec Danny Janvier et Charles-André Lambert qui discutent de faits insolites, de nouvelles cocasses, de choses drôles. Alors, Simon Fitzbé sera présent dans oui. cette émission. Oui. Du coup, des intermires. On parle du faire? Web. Du web? L'interweb. Les interwebs. La toile informatique, l'autoroute de l'information. Exact. Voilà. À 13h, je serai de retour avec l'émission C'était fou, où on fait un retour dans l'histoire de C'est fou. C'est fou rembobiné. Un peu. À 14h, Stéphanie va se joindre à moi pour animer les palmarès C'est fou avec moi. Donc, on va passer une petite journée, une longue journée pour les auditeurs. Pour les auditeurs, c'est long. Non? Non. Du Mathieu Plante à outrance, peut-être? Je crois pas. Ceux qui trouvent ça long, d'après moi, changent... Tout simplement de ben, on peut pas, justement, c'est ça le but d'une station de radio. Il faudrait aller coller toutes les roulettes de radio pour que ça change. D'ailleurs, il faudrait commencer ici, là, à la place, c'est qu'on mange. À la cafétéria? Ouais. Oh, est-ce que ce serait une pin envers la cafétéria? Ouais, avec leur radio scrap qui joue. Eh bien, Simon, t'es rendu dans l'opinion, toi, aujourd'hui. C'est pareil que t'es éditorialiste aux zones campus. Soyez-y lundi, donc, à 7h. On se quitte. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Et Tour d'Afrique après. Bye bye. Bonne fin de semaine. Bye bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.